On va parler du March Madness qui va mettre qui en fin de semaine qui va connaître un peu son dénouement. Son dénouement lundi, quoi qu'il en soit, c'est le Final Four en fin de semaine avec toute une histoire avec Loyola Chicago qui est une petite université qui va affronter Michigan. Et dans l'autre match, ça va être Villanova contre Kansas. Mais avant tout, on va parler avec Peter Yiannopoulos de la nouvelle de la semaine, selon moi. Ça a fait ma semaine. Après quoi, 3, 4 ans d'absence, la NBA sera de retour en français sur la télé québécoise RDS dès le 14 avril avec la présentation des séries avec les Raptors de Toronto. Et Peter Yiannopoulos fera partie de l'équipe de retransmission. On lui parle. Salut, Peter! Bonjour, Danny, ça va bien? Ça va super bien. Peter, c'est vraiment une belle nouvelle. Honnêtement, là, je m'attendais pas à ça. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Ouais, non, c'est une excellente nouvelle, une journée magnifique. On a annoncé que les séries et la NBA va de retour dans les ondes francophones sur RDS dès le 14 avril, comme ça mentionné. Ça fait 20 ans que RDS n'a pas eu les droits pour montrer la NBA, fait qu'on est extrêmement content. Puis ça va être toute une journée. Je suis extrêmement fier et humble de faire partie de l'équipe des annonceurs. Puis on espère que les Raptors vont avoir... Ils vont gagner une coupe de série, potentiellement se rendre en finale, mais on va couvrir toutes les rondes et la finale aussi. Est-ce que l'entente est seulement pour les séries ou encore l'an prochain, la NBA va être de retour? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? Mais écoute, c'est pas moi qui prends cette décision. Ouais. Moi, je suis fier, comme j'ai mentionné, de faire partie de l'équipe, mais je sais que on va commencer avec les séries cette année. Puis après, on va voir comment ça va dérouler, puis on va voir pour des nouvelles l'année prochaine, en espérant. Mais je pense que c'est toute une excellente nouvelle pour toute la province du Québec, notre communauté. Le basketball, c'est un sport en croissance ici au Québec et au Canada. On voit combien de joueurs, de Canadiens et Québécois qui sont dans la NBA. Fait que ça, c'est excellent pour les petits jeunes qui regardent la NBA, puis regardent les LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, DeMar DeRozan, les Raptors, puis comme ça, un jour, leur rêve réalisé en faisant la NBA aussi, mais c'est un excellent début. Puis cette année, écoute, moi, je suis la NBA à chaque jour. Les Raptors en première place dans la conférence ben oui. S, il y a tellement des bonnes équipes, Boston, les Celtics, LeBron avec Cleveland, Philadelphie commence à bien faire, Milwaukee, the Greek Freak, fait que ça va être intéressant dans la conférence de l'Est, mais regardez dans l'Ouest, on parle de Houston, les Rockets en première place, Golden State. Ça va être incroyable dans les séries. J'ai très hâte de voir ça le 14 avril sur les ondes de RDS. Ça faisait longtemps, on en parle souvent avec Pascal Jobin. Je te dirais que ça faisait quasiment on en parlait quasiment aux 3-4 interventions qu'on trouvait que la NBA était snobée. Puis sans être, faut pas exagérer, c'est pas un sport majeur au Québec, là. Sauf que quand même, quand tu vois les matchs de la MLS, tu vois le golf, tu vois le tennis, je serais curieux d'avoir. Puis là, on dit tout le temps, mais il n'y a pas de code d'écoute. Je serais curieux de savoir les codes d'écoute. Un match de la MLS entre Los Angeles et Philadelphie à TVA Sport 2. Tu sais, quelque part, là, c'est faut pas exagérer non plus. Peter, est-ce que ça, Jeanne, va emmener Loyola Chicago à la finale du March Madness? Quelle histoire hein? Pour une petite école de Loyola Chicago. Écoute, ils ont gagné leur tournoi de conférence, une équipe qui a gagné plus que 30 matchs. L'entraîneur-chef Porter Moser, beaucoup d'expérience. Il était un adjoint avec Rick Majerus, qui était de l'Université de Utah. Il était un entraîneur-chef de Illinois State. Puis maintenant, c'est son style d'équipe. C'est une équipe qui a pas beaucoup de vedettes, pas beaucoup de talents qui vont faire la NBA, mais c'est tous des joueurs vraiment polyvalents, des joueurs de 6 pieds 6, 6 pieds 5. Ils peuvent jouer beaucoup de positions différentes. Le ballon, beaucoup, ça bouge. Ils ont des joueurs comme Ben Richardson, Marcus Towns, Andre Jackson. Ils ont du talent, puis ils ont trois seniors, trois joueurs de quatrième année sur la rotation de sept joueurs. Fait que c'est des gars qui savent jouer ensemble, puis il y a des jeunes joueurs aussi. Ils n'ont pas peur de personne, hein? Yep. Ils n'ont pas peur d'aucune équipe, Danny. Ils ont battu Miami, ils ont battu Tennessee, ils ont battu Kansas State. Écoute, là, Michigan, je pense que ça va être un différent problème. Ça va être très différent. Parce que les Wolverines, c'est une équipe. Je pense qu'eux autres aussi ont gagné le tournoi du Big Ten. Ils ont gagné 4 matchs de suite dans le tournoi d'NCAA. Ils n'ont pas perdu pendant un mois. Wagner, l'Allemand, c'est 6 pieds 10. Il pose un grand problème parce que lui peut lancer des 3 points, peut aller à l'intérieur. Puis il aime ça, faciliter pour ses coéquipiers aussi. On parle des joueurs comme Abdul Rahman, un joueur de 4e année. Lui, il va être très important. Fait que Michigan, il donne seulement 59 points par match. Mm. Et il laisse leurs adversaires seulement 47% d'efficacité en offensive. Alors, c'est un match qui va se dérouler dans les 50, dans les 60. Je m'entends pas un match dans les 80-90. Ça va être défensif. Mais je pense que ça va être important pour Loyola Chicago qui commence avec une avance. Parce que Michigan, quand eux autres, ils ont l'avance, ils savent comment gagner. Effectivement. Et donc, mais la beauté de Loyola Chicago, ils vont sans pression, là. Mais oui, c'est sans pression. Ils ont sont à Las Vegas, ils vont avoir du fun. Le tournoi, le Final Four, c'est à San Antonio. Écoute, le premier match qu'ils ont joué cette année, Loyola Chicago chez eux, ils ont joué ça devant 2500 personnes. Là, ils s'en vont au Alamo Dome à San Antonio, 60 000 personnes qui vont regarder ce match. Fait qu'eux autres, c'est sans pression, ils ont gardé la loterie, puis eux autres, ils pensent qu'ils vont gagner. C'est pour ça qu'ils sont réalisés, sont devenus où ils sont maintenant. Ils pensent qu'ils vont gagner, non seulement le match contre Michigan, mais ils pensent qu'ils vont gagner aussi lundi soir. C'est ça la beauté du March Madness. Et maintenant, Kansas-Villanueva, si c'est le gros match de la fin de semaine. Écoute, on parle de deux équipes classées numéro 1 dans la région. Villanueva, c'était l'équipe qui, au début de l'année, on pensait qu'il y avait la formation pour gagner un championnat national. Ils ont gagné ça il y a 2 ans. Avec l'entraîneur-chef Jay Wright. Ils ont un joueur dans Jalen Brunson, probablement le meilleur joueur de la NCAA, le plus complet. C'est un meneur de jeu. Il est pas extrêmement vite, il est pas extrêmement athlétique, mais il sait comment jouer. Il fait des bonnes décisions, très intelligent. Son père, Rick Brunson, il jouait pour l'Université de Temple dans les années 90, puis il a joué dans la NBA pendant 10 ans. Fait que déjà, il connaît son père, qui est un bon joueur. Tu sais que depuis que c'est un petit jeune, il a appris le basketball de la bonne manière. Bref, ils ont des joueurs Villanueva qui peuvent lancer des 3 points. Ils ont 88 points par match. Fait que ce match-là, ça va être assez haut. Ils ont des gars comme Pascal Spellman, le centre, seulement 6 pieds 8, mais c'est un des meilleurs francs-tireurs de la ligne de 3 points. Bridges, un autre joueur d'expérience. Fait que Villanueva, ils ont eu un match serré contre West Virginia. Dans le Sweet 16, ils perdaient 60-54 avec 10 minutes à faire. Jay Wright a pris un temps d'arrêt. Ils ont fait 12 points de suite. Puis après, c'était fini West Virginia, fini Texas Tech. Je pense que c'est les favoris pour gagner ce match et le tournoi du Final Four. Mais Kansas, ils perdaient par 3 points contre Duke. Il restait 20 secondes. Mihaluk, le 3 points. On s'en va en prolongation. Puis là, ils gagnent le match contre les Duke Blue Devils. Bill Self, un championnat national en 2009 contre John Calipari et Memphis avec Derrick Rose. Il veut son deuxième. Devante Graham, un autre joueur de 4e année, le meilleur joueur du Big 12 de la conférence. Malik Newman, lui un joueur, c'est sa première année avec Kansas, 32 points contre Duke. Lui et Graham, je pense, ensemble, ça doit faire 50 points, 25 chaque, 30 et 25, comment tu le veux. Mais je pense que ces gars-là, Graham, Newman, ça va être la clé. Et le Gerald Vick, c'est le meneur de jeu de Kansas. C'est pas qu'est-ce qu'il va faire en attaque, Danny. Ouais. Comment il va être en défense contre Jalen Brunson, ça va être la clé du match. Ouais, donc, mais Villanueva a été longtemps. Là. Je regardais dans le top 25, là, ils ont été très souvent là, dans le premier, deuxième. Ils ont joué là-dedans. Là. Bon, non, c'est une équipe très constante. Au début de l'année, on pensait qu'ils avaient l'équipe pour gagner tout le championnat. Ouais. Ils ont perdu une coupe de match dans le Big East contre Xavier. Je pense que Xavier, il y a eu une bonne saison. Eux autres aussi, ils étaient classés numéro 1, mais ils ont perdu dans la deuxième ronde de la NCAA du tournoi. Mais Villanueva, tu peux pas acheter cette expérience. Ils ont gagné le championnat il y a 2 ans. L'année passée, il y avait une bonne équipe. Ils sont fait surprendre un petit peu. Mais là, ils arrivent. Ils ont leur passion, ils ont le vouloir maintenant de retourner. C'est une équipe qui, en 1985, qui ont gagné le premier championnat avec Rolly Massimino. Mon ancien boss, à UMass, Steve Lapis, c'est un adjoint à Villanova en 85. Lui était entraîneur-chef pendant 10 ans à Villanova, mais Jay Wright, il a vraiment élevé d'un autre niveau, non seulement d'efficacité sur le terrain, mais hors du terrain. Les meilleurs joueurs, pas les meilleurs joueurs qui vont aller one and done. Tu sais, les Marvin Bagley, les joueurs des DeAndre Ayton. Mais en collectif, tu parles. Ouais. Les joueurs de Villanova, c'est des joueurs excellents, mais qui vont rester 2 ou 3 ans et potentiellement 4 ans. Okay. Et c'est pour ça qu'ils gagnent année après année. On sait que Josh Hart a gagné le championnat il y a 2 ans. Maintenant, il est avec les Lakers. DiVincenzo, c'est le joueur 6e homme de l'année. Lui, il sort du banc. Faites attention à lui parce que lui, il a le potentiel de faire la NBA. Il doit avoir un bon match s'il veut que les Wildcats de Villanova ils vont battre les Jayhawks de Kansas. Et je regarde en même temps que tu parles, là, le seul qui est classé dans le repêchage en première ronde du côté de Villanova, il s'appelle Mikael Bridges. Qui est classé 10e selon la NBA Draft.net. Allez, en terminant, puisque je parle du repêchage, Peter, le frère de Lorenzo Ball s'est déclaré éligible au repêchage. Est-ce que tu penses qu'il va être repêché? Je pense pas, hein? Quelle histoire de Hollywood, ça. Ouais. Lamar Ball, Lonzo Ball. Et je regardais le match des Lakers l'autre soir. Puis Portland faisait par exprès de faire des fautes intentionnelles à Lonzo Ball, de hack à shack. Mm. Il lance seulement 40% de la ligne de lancer franc. Fait que beaucoup de hype. C'est clair que Lamar Ball, il aime ça parler de ses fils, tout ça. Il fait un peu le clown. LiAngelo, écoute, il a du talent. C'est un joueur qui peut marquer beaucoup de points. Mais il a lâché l'école secondaire à Los Angeles. Ouais. Il en va à Lituanie. C'est pas le niveau qu'il avait besoin de vraiment maturer, de vraiment se développer, de se cultiver. Est-ce qu'une équipe va prendre la chance sur un LiAngelo? C'est pas sûr. Hein? Lonzo, c'était possible parce qu'il y a quand même un certain talent. Là. Mais quand tu sais que t'as le frère, t'as le père en arrière, que ce qui vient avec par rapport avec le joueur, je suis pas sûr que si tu me dis qu'il n'y a pas plus qu'il faut, moi je le prends pas. Le paquet de problèmes que ça va avoir autour de l'équipe. Mais regarde les Lakers. C'est une chance que Lonzo Ball il a le talent. Puis c'est vraiment un bon jeune joueur. Mais lui aussi qui doit se développer. Il a seulement 19 ans. Il a joué une année à UCLA. Mais regarde les problèmes que son père a donné. Magic Johnson, Rob Pelinka, Luke Walton, l'entraîneur-chef. Tu peux pas te permettre de les critiquer à chaque jour. Tu dis que tu peux pas coacher l'équipe. Quelle organisation maintenant va prendre la chance sur un joueur qui est pas vraiment complété, il n'est pas vraiment complet en ball. Bref, peut-être une équipe qui a perdu pendant plusieurs années, peut-être qu'il veut vendre des billets, qu'il va avoir plus de publicité, peut-être prendre une chance avec lui dans la deuxième ronde. Moi, je pense pas qu'il va être repêché. Moi, je pense que peut-être qu'il va avoir un contrat d'agent libre, d'un try-out, d'un essai, mais pas comme un joueur de première plan dans l'NBA. Effectivement. Peter, un gros merci. On s'en reparle le mardi, si tu veux, pour la dernière fois, pour la finale du March Madness et le bilan. 100%. Oui, papa, le Final Four et le basketball est de retour à l'NBA sur RDS. Oui, effectivement. Donc, Peter Yiannopoulos qui a fait partie de l'équipe de retransmission dès le 14 avril. Merci beaucoup, Peter, et joyeux sport. Joyeux sport, Danny. Salut. Peter Yiannopoulos de TSN Radio et de RDS.